Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 4. Et sept femmes prendront un seul homme en ce jour-là, disant, nous mangerons notre pain et nous serons couvertes de nos vêtements. Seulement, que votre nom soit invoqué sur nous. Enlevez notre opprobre. En ce jour-là, le germe du Seigneur sera dans la magnificence et la gloire, et le fruit de la terre s'élèvera. Et l'exultation sera pour ceux d'Israël qui auront été sauvés. Et voici ce qui arrivera. Quiconque aura été laissé dans Sion et sera resté dans Jérusalem sera appelé saint. Quiconque aura été écrit comme vivant dans Jérusalem. Quand le Seigneur aura purifié les souillures des filles de Sion, et qu'il aura lavé le sang de Jérusalem, lequel est au milieu d'elles, par un esprit de justice et par un esprit d'ardeur. Et le Seigneur créera sur toute la montagne de Sion, et sur le lieu où il aura été invoqué, un nuage et une fumée pendant le jour, et l'éclat d'un feu flamboyant pendant la nuit, car sur toute gloire sera sa protection. Et il y aura un tabernacle pour ombrage dans le jour contre la chaleur, et pour mettre en sûreté et à couvert de la tempête et de la pluie. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.